Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot, J. de Gigore, éditeur, 1913. Troisième semaine, premier jour. Première contemplation. La première contemplation se fera au milieu de la nuit, sur le voyage de notre Seigneur Jésus-Christ, de Béthanie à Jérusalem, jusqu'à la dernière scène inclusivement, voir les mystères. Elle comprend l'oraison préparatoire, trois préludes, six points et un colloque. L'oraison préparatoire est la même que les semaines précédentes. Le premier prélude consiste à se rappeler l'histoire du mystère. Dans la contemplation présente, on se rappellera comment Jésus-Christ, notre Seigneur, envoya de Béthanie à Jérusalem deux de ses disciples pour préparer la scène, comment il y alla lui-même ensuite avec les autres disciples, comment, après la mendication de l'agneau pascal, à la fin du repas dont elle fut suivie, il leur lava les pieds, leur donna son très saint corps et son précieux sang, comment, enfin, il leur adressa le discours de la scène. Lorsque Judas fut sorti pour aller vendre son Seigneur. Le second est la composition de lieu. Ici, il consistera à considérer le chemin de Béthanie à Jérusalem. Est-il large ou étroit, uni ou raboteux? De même, le lieu de la scène. Est-il vaste ou resserré, disposé de telle ou de toute autre manière? Le troisième est la demande de ce que l'on veut obtenir. Dans cette contemplation, je demanderai la tristesse, la douleur et la confusion, puisque c'est pour mes péchés que le Seigneur va à sa passion. Note. Que le Seigneur va à sa passion. Expression textuelle, touchante par sa simplicité. Lorsque le Sauveur fut mené tumultuairement par ses ennemis au sommet de la montagne d'où il voulait le précipiter, sachant que son heure n'était pas encore venue, il se retira de leurs mains, et, passant au milieu d'eux, il s'en allait. Luc 4, 30. Mais c'est maintenant l'heure de ces mêmes ennemis et des puissances de ténèbres, et Jésus va à sa passion. Dans les deux circonstances, c'est le même calme, la même dignité, la même obéissance à son Père céleste, le même amour pour les hommes. Je ne boirai pas le calice que mon Père m'a donné. Jean 18, 11. Fin de la note. Dans le premier point, je verrai les personnes de la scène, puis, réfléchissant en moi-même, je m'efforcerai d'en retirer quelques profits. Dans le second, j'entendrai ce qu'elles disent, et je tâcherai d'en retirer quelque utilité pour mon âme. Dans le troisième, je regarderai ce qu'elles font, afin d'en retirer quelques fruits. Dans le quatrième, je considérerai, selon le passage de la passion que je contemple, ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou désire souffrir en son humanité. Ici, je commencerai à réunir toutes les forces de mon âme pour m'exciter à la douleur, à la tristesse et aux larmes, ce que je ferai avec la même application dans les points suivants. Dans le cinquième, je considérerai comment la divinité reste cachée durant toute la passion du Sauveur. Elle pourrait détruire ses ennemis, et elle ne le fait pas. Et elle abandonne au plus cruel tourment la très sainte humanité qui lui est unie. Dans le sixième, je considérerai que le Sauveur endure toutes ses souffrances pour mes péchés, et je me demanderai ce que je dois faire et souffrir pour lui. Note. Il faut se rappeler ici la remarque faite à propos des mystères de la seconde semaine. Cette division des personnes, de leurs paroles, de leurs actions, avons-nous dit, marque moins l'ordre que la matière de la méditation. Nous en dirons autant des points particuliers à la semaine présente. Quoi qu'il soit placé après les autres, Il ne s'ensuit pas qu'il faille les renvoyer à la fin de la contemplation, ils doivent, au contraire, accompagner la considération des personnes, de leurs paroles et de leurs actions. Il faut que nous les ayons toujours sous la main, dans le cours de chaque contemplation, et que nous y recourions sans cesse. Ils nous aideront efficacement à recueillir le fruit propre de la semaine que nous commençons, je veux dire la douleur des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de la note. Je terminerai par un colloque à Jésus-Christ, notre Seigneur, et par le Notre Père. Il faut remarquer, comme nous l'avons déjà dit en partie, que dans les colloques nous devons, soit pour le raisonnement, soit pour les demandes, consulter le sujet de la méditation et nos dispositions présentes. J'éprouve, par exemple, des tentations ou des consolations, je désire obtenir telle ou telle vertu, j'ai dessein d'embrasser telle partie ou telle autre, je veux m'exciter à la tristesse ou à la joie, selon le mystère que je contemple. Dans ces suppositions et dans toutes les autres, mes demandes doivent toujours se rapporter à certains points particuliers que je désire plus vivement obtenir. On peut se contenter d'un seul colloque, que l'on adressera à Jésus-Christ, notre Seigneur, ou en faire trois, si le sujet de la méditation ou la dévotion y porte, l'un à la très sainte Vierge, l'autre à son divin Fils, le troisième à Dieu le Père. Comme il est dit dans la seconde semaine à la fin de la méditation des deux étendards, en observant ce qui est marqué dans la note qui suit l'exercice des trois classes. Note. Dans la note qui suit l'exercice des trois classes. C'est-à-dire dans la linéa qui commence par ces mots, il faut remarquer. Voyez aussi la note de la même page. Saint Ignace, comme on le voit, nous trace dans cette première contemplation la méthode que nous devons suivre dans toutes les contemplations de cette semaine. S'il le fait un peu brièvement, c'est que les points qui ont pour objet la contemplation des personnes, de leurs paroles et leurs actions, ont été suffisamment développés dans le premier exercice de la seconde semaine. Nous y renvoyons donc, ainsi qu'aux notes qui s'y rapportent, surtout à la troisième. La suite du texte n'offre point de difficulté, pourvu qu'on le considère et qu'on l'examine avec attention. Tout ce qui est dit ici sur les colloques ne doit point se lire à la légère, ni se parcourir superficiellement. Ces détails sont d'une extrême justesse et d'une grande utilité, et, si l'on réunit le paragraphe présent à celui qui suit immédiatement le colloque du premier exercice de la première semaine, on aura sur cette matière une doctrine complète, qui sera très utile à tous ceux qui font journellement usage des colloques dans la méditation du matin. Fin de la note. Seconde contemplation. La seconde contemplation, celle du matin, se fera sur les faits qui se sont passés depuis la fin de la scène jusqu'au jardin inclusivement, voir les mystères. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude est un précis de l'histoire. Ici, je me rappellerai comment Jésus-Christ, notre Seigneur, descendit avec ses 11 disciples de la montagne de Sion, où il venait de célébrer la scène, dans la vallée de Josapha. Il en laisse 8 dans un endroit de la vallée, et les 3 autres dans une partie du jardin, et, se mettant en prière, il répand une sueur comme des gouttes de sang. Il fait par 3 fois une prière à son Père. Il réveille ses 3 disciples, ses ennemis tombent à sa voix, Judas lui donne le baiser de paix. Saint Pierre abat une oreille à Malchus, Jésus la lui remet en place, il est pris comme un malfaiteur, on le conduit, en descendant la vallée, et ensuite en remontant la côte, à la maison d'Anne. Note. Une sueur comme de gouttes de sang. Ce qui doit s'entendre d'une véritable sueur de sang, Selon l'opinion commune, toto corpore sanguis exhibat, dit saint Augustin dans le psaume 93, 19, le sang sortait de tout le corps de Jésus-Christ, ainsi l'Église a ses martyrs, et tout son corps a été arrosé de leur sang. Voyez la dissertation de Don Calmet sur la sueur de sang de Jésus-Christ, Bible de Vence, tome 19. Matthieu, 26, 36 à 39, Marc, 14, 32 à 36, Luc, 22, 40 à 44, Jean 18. Note. Le baiser de Judas doit, ce semble, précéder le renversement des ennemis du Sauveur, on pourra le supposer dans la contemplation. Fin de la note. Le second prélude est de voir le lieu de la contemplation. Ici, je considérerai le chemin de la montagne de Sion à la vallée de Josaphat, de même le jardin, sa longueur, sa largeur, sa disposition, comme l'imagination me le représentera. Le troisième est de demander ce que je veux obtenir, ce qu'il est convenable de demander dans la passion. C'est la douleur avec Jésus-Christ dans la douleur, le brisement de l'âme avec Jésus-Christ brisé dans son âme et dans son corps, des larmes, et le sentiment intérieur de tant de maux que Jésus-Christ a souffert pour moi. Remarque. Première remarque. Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, on suivra, dans cette seconde contemplation, le même ordre pour les points et le colloque que dans la première. À l'heure de la messe des vêpres, on fera deux répétitions de l'une et de l'autre, et l'application des sens avant le souper, commençant par l'oraison préparatoire et les préludes, selon le sujet de la contemplation, suivant ce qui a été recommandé et expliqué dans la seconde semaine. Deuxième remarque. Autant que l'âge, les forces et les dispositions de la personne qui fait les exercices le permettront, elle fera chaque jour les cinq exercices, au moins. Troisième remarque. Dans cette troisième semaine, on modifiera de la manière suivante la deuxième et la sixième addition. Deuxième addition. Aussitôt que je serai réveillé, je me représenterai où je vais, et pourquoi. Je résumerai brièvement le sujet de ma contemplation, et, selon le mystère que je vais contempler, je m'efforcerai, en me levant et en m'habillant, de m'exciter intérieurement à la douleur et à la tristesse, à la vue des douleurs sans nombre et des souffrances incompréhensibles de notre Seigneur Jésus-Christ. Note. Et selon le mystère, cet avertissement n'est pas inutile. Il faut, il est vrai, s'exciter à la douleur dans tous les mystères, mais cette douleur doit varier selon la nature des souffrances du Sauveur. Dans certains mystères, il faudra surtout contempler ses douleurs intérieures, dans d'autres, ses douleurs extérieures, dans ceux-ci, ses angoisses et sa tristesse jusqu'à la mort, dans ceux-là, ses ignominies, dans d'autres enfin, la grandeur de ses tourments. Mais, dans Jésus crucifié tout se réunit au suprême degré. Fin de la note. Sixième addition. Je ne chercherai pas à m'entretenir de pensées consolantes, quoique bonnes et saintes, comme serait celle de la résurrection et du ciel, mais je m'exciterai plutôt à la douleur, à la tristesse, à l'affliction de l'âme, rappelant souvent à ma mémoire les travaux, les fatigues et les douleurs que notre Seigneur Jésus-Christ endura depuis le moment de sa naissance jusqu'au mystère de la passion que je médite maintenant. Quatrième remarque. L'examen particulier se fera sur les exercices et les additions présentes, comme la semaine précédente. markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et livremystique.com.